douceur de l'amour. Le temps qu'on vise, les bras sont ma prison, d'où j'entrevois dans un doux frisson toutes les joies d'un tendre abandon. Et c'est pourquoi toi que la nuit m'a donné pour aimer, danse avec moi et donne à ma vie tout l'amour dont j'ai rêvé. Toi que demain te reprendra dans ses bras, viens, n'attends pas, fleuris mon destin d'un ciel de joie. La chanson parfois dangereux, mais c'est toujours le plus beau des jeux. Et jusqu'au jour, toi que la vie m'a donné pour aimer, cueille avec moi au cœur de la nuit tout l'amour qui fait rêver. Toi que demain reprendra dans ses bras, tu reviendras puisque ton destin est fait de moi. Ma chanson, le temps pour tes illusions. Ma chanson, c'est le temps.